Précédemment dans Sur nos écrans. Après un affrontement épique entre Léo et Arnaud à l'issue de la première saison de Gotham, le lancement de la saison 2 de la série a ravivé le débat, puisque j'ai moi-même reconnu qu'un début d'amélioration était à noter. La prophétie de Léo, persuadé que tous allons finir par adorer Gotham, est-elle en train de se réaliser? Dans ce climat incertain où tous les twists semblent possibles, une voix va-t-elle finir par s'élever contre Agents of S.H.I.E.L.D.? Je suis Mathieu, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce 29e épisode de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost, and then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Cette semaine, pour ce double débrief sur Agents of S.H.I.E.L.D. et sur Gotham, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. Puis qui dit Gotham dit Léo. Salut. On va commencer par notre petit bilan rapide de la semaine. Vous connaissez la règle, vous avez droit à 1 minute 30 chacun pour nous raconter un petit peu ce que vous avez vu cette semaine, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Libre à vous de faire ce que vous voulez de cette minute 30, nous parler d'une série, de toutes les séries, peu importe. Et on va commencer dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire Arnaud. Ça va aller vite, j'ai vu que Flash, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu la moitié de l'épisode de The Walking Dead sur Morgan parce que c'était chiant à mourir. Et Supergirl, c'est toujours aussi pourri. Excusez-moi, mais une journaliste qui utilise ses pouvoirs dans une rédaction de journaliste, elle a vraiment rien dans le cerveau. Bah, elle est blonde. Oh, ça c'est pas facile. Elle est vraiment conne. C'est parti. Après les gros plans sur sa tronche et personne ne la reconnaît, excusez-moi, tout le monde est con dans cette série ou quoi. Mais ça, c'est et puis le concours de bite entre Jimmy et Wynn avec celui qui va être le plus avec celui qui va être le meilleur ami de Kara qui va l'aider, j'en ai déjà marre. Et Kara, s'il te plaît, mais tout le monde dit que c'est une série féministe, mais Kara a quand même besoin de deux mecs pour l'aider et elle n'arrête pas de courir et de dire il faut que je fasse comme mon cousin. À part ça, c'est une série. Allez, Clément, c'est à toi ton bilan de la semaine. The Flash, j'ai adoré. Enfin, j'ai beaucoup adoré, peut-être un peu trop fort. J'ai beaucoup aimé. Arrow, j'ai bien aimé aussi. C'est un épisode sympa. J'ai l'impression que ça reprend petit à petit un peu de qualité. Heroes Reborn, donc la suite du double épisode, c'est toujours aussi bien. C'est dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière. C'est une bonne série, c'est super bien écrit. Je continue à retrouver tout ce que j'ai aimé dans la saison 1 de Heroes. Et je n'ai pas vu Supergirl, mais vu comme dit Arnaud, ça me donne absolument pas envie. Okay. Et à Joseph Schick, je réserve mon avis pour tout à l'heure. D'accord. Irish. Pour moi, donc si je vais casser d'abord par ce que j'ai aimé, je vais d'abord dire The Flash. Mm-hmm. J'ai trouvé l'épisode de cette semaine un très bon épisode de cette semaine. Arrow qui remonte la barre depuis deux épisodes, c'est de mieux en mieux par rapport à ce qu'on a connu. Agent of S.H.I.E.L.D. Ça reste toujours aussi haut, hein. C'est toujours aussi bien, d'ailleurs on en reparlera. Heroes Reborn, après 4 épisodes assez chiants, c'est tout le puzzle s'est mis en place, donc on sait enfin, on prend enfin tout ce qu'ils disent. Donc les deux derniers épisodes étaient très bons. Du côté du moins bon, je vais mettre The Walking Dead, qui vraiment était chiant. J'ai pas fini l'épisode, ça m'a endormi. Donc tu es enfin revenu à la raison, Erich. Ouais. Oui, mais après deux épisodes qui nous avaient sorti un peu de la torpeur, là on retombe dedans avec un épisode vraiment pénible. Et pour moi, Supergirl ne transforme pas l'essai du pilote. Donc je suis un peu d'accord avec toi. C'était Arnaud qui a parlé sur Supergirl. Oui, voilà. Donc je suis un peu d'accord avec toi. C'était vraiment pas. Il y a pas mal de choses qui n'étaient pas possibles, comme utiliser ses pouvoirs. Non, c'était plutôt naze. J'ai pas beaucoup aimé. Donc voilà, Supergirl. On attend l'épisode 3, mais pas confiant. Et toi, Léo? Alors, bon, bah, on va suivre la tendance sur Walking Dead, c'est du foutage de gueule, c'est toujours pire, c'est comme d'habitude, hein, voilà. Ça, au moins, c'est dit. Heroes Reborn, je suis complètement d'accord avec toi, Clément. J'ai l'impression de revoir Heroes saison 1, je trouve que c'est vraiment bien, bien fait, bien écrit, que c'est vraiment très agréable à suivre. Le fait de revoir notamment les anciens acteurs est assez jouissif, et surtout ils sont pas là juste pour un petit caméo, ouais. De merde, ils sont là pour ils sont très bien aminés. Ouais. Voilà, ça répond pas dans cette partie, je vous rappelle. Voilà. Supergirl, bon, j'ai pas pu voir. Flash également, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'idée donc de ramener notamment un fameux personnage, bon, je vais pas spoiler, mais et de le transformer, enfin, et d'avoir avec un caractère un peu différent comme ça, enfin la manière d'amener était vraiment bien, donc ça je suis vraiment satisfait de la série là, à ce niveau là. J'ai juste un bémol sur Flash, je trouve que Jay Garrick faudrait le faire un peu bouger, parce que je trouve qu'il fait un peu de la figuration pour l'instant. Et Agents of S.H.I.E.L.D. et Gotham, on va en parler, mais tous les deux, je les ai trouvés très bons. Voilà. D'accord, il ne reste plus que moi, j'ai vécu une semaine un peu du troisième type. J'ai regardé Constantine dans Arrow, et je l'ai bien aimé, j'étais content de le revoir. Assez incroyable. J'ai regardé le pilote de Cisco, c'était pas mal. Ah oui, Cisco Chronicles. C'était pas mal. Clairement, il a volé la vedette cet épisode, enfin, il a volé l'épisode, c'était incroyable. Du coup, j'ai adoré cet épisode parce que Cisco prend vraiment de l'ampleur, de la profondeur. Et voilà, j'ai surkiffé cet épisode de Flash où enfin Cisco a son nom de vibe. Enfin voilà, tout y était pour moi. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? The Walking Dead. Après deux épisodes qui étaient quand même assez marquants, assez forts. Alors là, mais je l'avais dit, hein. Vous allez voir la semaine prochaine. On va se taper l'autre, là, j'ai oublié son prénom. Morgan, et voilà, ça va être chiant. C'est le personnage le plus déprimant du monde. Oh là là, sympa, c'était une catastrophe. Bref, voilà pour ma petite semaine, pour Agents of S.H.I.E.L.D. et pour Gotham, évidemment, je me réserve. Et puis Supergirl, une ou deux scènes un peu meilleures que dans le pilote, mais pour le reste, c'est dur. C'était dur. C'est trop facile là, vraiment. Je fais une grosse dédicace à Nib suite à cette blague. Et paix à l'âme d'Elodie par rapport à Walking Dead. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, bah là je serais curieux de voir comment elle va le défendre, cet épisode 4 avec Morgan, parce que c'est indéfendable. La tête détestée. Je sais même toujours pas ce qui se passe à la fin. Hein. Je sais pas. Ouais, la tête détestée, c'est vrai, on voit pas Daryl. Elodie, si tu nous entends. Allez, c'est pas le débrief de Walking Dead, c'est le débrief de Gotham. Alors, ça va être assez particulier comme débrief, puisque ni Arnaud, ni Clément, ni Irish n'ont continué Gotham pour cette saison 2. Je suis le seul à être à jour avec toi, Léo. Vous êtes vraiment tous nuls, hein. Blâme, les mecs. Beaucoup de temps, je préfère regarder des choses bien. Nous allons en parler à deux, Léo. Bon courage. Ouais, donc, Léo, je te laisse peut-être commencer, nous faire un petit rappel de ce qu'on a vu depuis la dernière émission. Dernière émission où on avait traité que le season première, donc depuis on a quand même vu 5 ou 6 épisodes. Oh là oui, et depuis il s'est passé pas mal de choses. Du coup les mecs, vous avez aucun problème à vous faire spoiler sauvagement? Non, d'accord. Non, vas-y. Tu n'en es rien à foutre, donc tu peux spoiler comme un gros porc. Tu peux y aller, vas-y. C'est parti. Pour l'instant, un truc qui a dû faire plaisir à certaines personnes, c'est que Jérôme a tiré sa révérence après quelques coups d'éclat assez fort, puisqu'il avait pris en otage une cérémonie, enfin une entière cérémonie où se trouvait d'ailleurs Bruce Wayne. Il a tué l'adjoint au maire et le maire avec, d'ailleurs. Sauf que depuis le début, il est juste manipulé avec tout un groupe de vilains, y compris Barbara Gordon, qui est quand même l'élément what the fuck de cette série. Attends, tu t'en rends compte? Non, mais oui, mais là encore plus. Non, là vraiment encore plus souligné, quoi. De plus, donc oui, donc c'est un mec qui vient de débarquer. Il est dit que c'est quelqu'un de, que c'est quelqu'un qui est lié au Wayne dans une affaire de rivalité, qui a une affaire qui remonte très loin entre les, entre une bisbille entre les Wayne et les Galavan. Et de fait, son but est de prendre le contrôle de la ville, de se venger et notamment de se venger de Bruce Wayne. Pour ça, donc du coup, il a engagé les méchants qui font des espèces de coups d'éclat, mais tout en lui se mettant, tout en ce que lui se met en scène pour gagner le soutien des citoyens, la popularité, et c'est ce qu'il et il y arrive d'ailleurs puisque en plus en obtenant le soutien de Jim Gordon, il est élu maire de Gotham. Et juste au moment où Gordon se rend enfin compte que Galavan a un petit, quelques petits soucis, enfin est peut-être un peu moins cool que ce qu'il n'y paraît. Quant au pingouin, il est devenu complètement fou. On va revenir sur le pingouin parce que vraiment je trouve que son évolution est vraiment bien. Le pingouin est devenu complètement fou. Il a coupé la main de Butch dans un accès de colère pour l'envoyer espionner Galavan qui le menait. J'en ris encore. Voilà. Galavan lui aussi le tenait puisque il a tenu le pingouin comme un espèce d'homme de main forcé entre guillemets en détenant la mère du pingouin. Voilà, du coup le pingouin a décidé de pas se laisser trop faire. Il a tenté de s'attaquer à Galavan lui-même, sauf que Galavan l'a pris de court et a tué sa mère devant lui, en forçant le pingouin à tenter une espèce d'attaque désespérée contre Galavan qui a échoué. Donc voilà, là, le dernier épisode se finit sur le fait que Gordon réalise que Galavan n'est pas celui qu'il prétend être et le pingouin étant en mauvaise posture. Voilà. Donc après ce récap, grosso modo, on a eu deux arcs. On a eu l'arc autour de Jérôme, le Joker, hein, qui a pris deux épisodes. Et puis on a eu un deuxième arc de trois épisodes autour de Firefly. Aussi, ouais, l'introduction d'une Firefly féminine. Voilà, donc Firefly, et puis donc l'ascension de Galavan jusqu'au poste de maire. En dehors de tout ça, évidemment, le Riddler a eu aussi son évolution, et ça y est, je pense que ça y est, on y est, il est devenu Riddler. Voilà, lui, son évolution, elle aussi, est devenue assez effectuée de manière assez brutale, puisque de toute façon, sa double personnalité, donc, qui commençait à se marquer, donc, à la fin de la saison 1, où il tuait l'officier de police, là, lui fait faire des actions, à la limite, à l'insu de son plein gré, et du coup, ça a des bons côtés, mais ça a d'autres mauvais côtés aussi. Puisque bon, il réussit à se faire enfin Miss Kringle pour la tuer deux épisodes plus tard en l'étranglant. Et puis maintenant, il est devenu complètement Riddler puisqu'il ne fait limite plus qu'un avec sa double personnalité, qu'il a un peu convaincu. Les deux ont plus ou moins fusionné, c'est le mauvais côté qui a gagné. À la rigueur, c'est bien, on est débarrassé de Pringle. Voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Par où je commence? Parce que tu veux et je te répondrai. En tout cas, alors le premier bon point, je pense, par lequel il faut commencer sur Gotham, c'est le fait qu'il n'y ait plus de cas de la semaine. Le fait que maintenant on est passé à une véritable intrigue de premier plan qui occupe en permanence la scène, puisque le pingouin est impliqué, les autres personnages qu'on a un peu vus et qui ont été introduits du style du Joker ou même de Firefly sont des conséquences indirectes de l'action de Galavan. Gordon se bat contre Galavan, mais il ne le sait pas vraiment. Donc, en fin de compte, il y a vraiment un véritable arc qui tient là et qui est plutôt et qui est vraiment très intéressant, quoi. C'est enfin devenu rythmé, c'est enfin devenu punchy. Ça n'hésite pas à être vraiment genre hardcore, genre Firefly, première apparition, elle se fait son costume et elle se brûle toute seule, elle est cramée au dixième degré, c'est punchy, ça rentre tout de suite dans le vif du sujet et ça donne un côté véritablement jouissif, quoi. Ils ont appelé cette saison d'ailleurs Rise of the Villains, hein, l'ascension des méchants, et ça se voit, quoi. Ils ont vraiment décidé d'axer ça sur un petit groupe, sur vraiment des figures marquantes. Et ça rend, ça ne met que plus par rapport à même d'ailleurs en brillance Bullock et Gordon d'ailleurs, qui a vraiment évolué là aussi avec une personnalité beaucoup plus sombre, plus marquée. Tu vois que le mec il est complètement débordé, il est changé quoi, il est bouleversé. Même dans sa relation avec Lil, qui est plutôt menée genre sur le type de l'humour, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque. Voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui ont été améliorées à plusieurs niveaux, je trouve, et qui rendent la série plus intéressante. Alors, je dois reconnaître, c'est peut-être le premier cliff de ce podcast, je dois reconnaître qu'effectivement, Gotham a gagné une grande qualité, c'est effectivement, Gotham est devenu feuilletonnant. Voilà, maintenant, Gotham, si on saute un ou deux épisodes, on va rater des choses. Avant, la saison dernière, hein, je l'avais fait, j'avais sauté 10 épisodes à un moment, et j'avais repris juste pour... j'avais fait un saut du 7 ou du 10 au 17, ou je sais plus quoi, enfin bon, voilà. Ça m'avait pas... Voilà. Là, on pourrait plus le faire. Clairement, Gotham est devenu feuilletonnant. Chaque personnage a droit à l'évolution de son intrigue et qui se croise en plus. Voilà. Du coup, y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'écriture pour cette saison 2. Ils ont changé la méthode. Pour moi, c'est une bien meilleure méthode. Après, de là à dire que c'est jouissif, Léo, peut-être pas quand même. Oui, bon, ça, d'accord. Je sais que je cavale seul, mais ouais, bon, ne va pas non plus survendre le fait que enfin ils aient compris comment on écrit une série. Tu me fais peur. Hein. Je crois que t'allais dire que c'était devenu génial. Non, ouais, c'est pas devenu génial, mais je suis à jour. C'est pas pour rien si je suis à jour, c'est que j'arrive à suivre ça de manière beaucoup moins subie et moins désagréable qu'avant. C'est clair. Y a plein de trucs que je trouve toujours aussi ridicules, aussi ratés, aussi mauvais, et ça, j'en démordrai pas, hein. Effectivement, le double épisode sur le Joker, j'ai aimé la première partie parce qu'on avait un Jérôme, pseudo Joker, complètement fou, complètement un peu imprévisible et qui était capable de nous surprendre. Ah, parce que c'est pas le Joker ? Maintenant, il est mort. Donc, Ils l'ont tué, ouais. Donc, du coup, c'est pas le Joker. Finalement, tout ça pour ça. Et à la rigueur, tant mieux, c'est bien d'avoir un. Oui, et puis surtout, ça ne fait pas vraiment sens. Donc, et puis, il nous manque pas, hein. Bah, pas spécialement, il était là pour être la première partie du spectacle de Théo Gallivan. C'est lui le vrai bad guy. C'était le faire valoir effectivement pour l'ascension de Gallivan, qui a commencé là son ascension vers la mairie. Il s'est complètement fait avoir, Jérôme d'ailleurs, complètement à l'insu de son blague, parce qu'à la base c'était même pas prévu qu'il meure dans le plan de Gallivan, sauf que Gallivan a voulu s'introniser en héros et lui a planté un couteau dans le cou pendant une prise d'otage. C'est ça. Et d'ailleurs, on remarquera sur la table d'autopsie, enfin à la fin là, quand on le voit à la police scientifique à la morgue, l'espèce de sourire figé qui est effectivement le sourire figé qu'on connaît très bien du Joker de Batman 66 et du Joker de Tim Burton, voilà le sourire un peu voilà comme ça, bon oui. Voilà, effectivement, l'histoire de Firefly, pourquoi pas, tout ça. Il y a plein de trucs qui étaient plutôt bien écrits, plutôt bien pensés. Le Riddler est débarrassé de Miss Pringle, c'est très bien. Oui, parce que notamment, ça le vampirisait énormément. Ça le rendait un peu con, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il était vraiment... Enfin, le problème du Riddler dans la saison 1, c'est qu'il était vraiment beaucoup trop en retrait. Il n'était pas assez en avant. Et il prend une certaine importance, entre guillemets, que sur la fin, quand il se décide enfin à tuer le mec de Miss Pringle, quoi. Et enfin tenter pour le ça, c'est le petit boutonneux dans la cour de récré qui se fait tabasser par les plus costauds, quoi. Il y a quelque chose que tu as soigneusement éludé, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas tout dit. Non, c'est juste que j'ai pas tout dit. Mais je t'écoute. Mais j'ai l'impression quand même que tu as soigneusement évité de parler de Bruce Wayne, parce que c'est quand même gênant. Je pensais. Bruce Wayne, c'est pas encore ça. C'est vraiment, c'est peut-être. Alors bon, j'ai toujours dit que. Attention, Léo va dire une mauvaise chose sur Gotham. Ah non, ça va. J'ai quand même dit des mauvaises choses sur Gotham, genre. Oui, c'est vrai. On y reviendra après. Bon, bref. Le défaut de Gotham, paradoxalement, mais pas tant que ça, parce que je défends l'idée que Gotham ne parle pas forcément de l'ascension, enfin d'un jeune Batman et tout, enfin qu'il faut un peu mettre ça de côté. Et du coup, bon, c'est pas si paradoxal que ça, mais l'un des défauts peut-être de Gotham un peu majeur, c'est Bruce Wayne. C'est vrai que c'est pas, enfin l'intrigue autour. Alors Bon, maintenant ils lui ont filé une espèce de copine entre guillemets. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Arnaud, parce c'est que l'époque... Hein. Non, c'est une autre triangle. Attends. Donc il faut que je t'explique. Pas trop. Je vais me venger. On va parler d'Agents of Shield aussi. Oui, j'y vais. Je vais continuer. Simplement, ils avaient annoncé une fille qui se rapprocherait de Bruce de manière un peu sentimentale. Et à l'époque, je me souviens, Arnaud, tu t'en étais moqué en disant ah, il a 15 ans, il va avoir une copine, tout ça. Bon, en fait, c'est un plan de Galavan. C'est une fille qui est amenée. Je me suis souvent moqué de Gotham, je sais plus. Oui, c'est ça, doit être ça. Donc oui, en fait, c'est un plan de Galavan. Ils lui ont filé une copine, donc de là, c'est pas donc complètement naze. Mais sinon, un coup, Alfred lui dit bon, je vais vous apprendre à vous battre. Un coup, il le vire. Un coup, il y a un truc sur les affaires de son père, mais ça va skipper pendant 10 épisodes jusqu'à ce que Lucius Fox vienne enfin faire quelque chose de son emploi dans cette série. Voilà. Et puis il y a l'espèce d'amour-haine avec Catwoman, le fameux truc. Là, c'était le truc vachement classique du dernier épisode. Ça, c'est nul, quoi. Je suis désolé. Ah oui, c'est le truc classique, genre, et depuis quand toi t'es une pute et tout ça, et l'autre elle pleure, et du coup Bruce il est niqué et tout. Tu te dis, putain, ce mec. Ouais, ils sont pas ensemble. C'est ça que j'étais en train de dire. Il va se mettre avec Catwoman et il va avoir un gosse à 15 ans et ils vont avoir le Robin déjà. Là, c'était un peu ridicule, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était pas très fin. Clairement, il y a un gros problème. Voilà, Bruce Wayne est dans des gros problèmes de la série. C'est incroyable avec Bruno Heller. Alfred n'est pas mauvais d'ailleurs pour autant. Hein. Alfred, moi je l'ai vénéré quand il a mis la droite à Bruce. À Bruce. Il lui met une pêche. Enfin. Hein. Il met une claque à Catwoman aussi. Oui, je veux voir ça. Donc voilà, Alfred du coup prend un certain statut et du coup voilà il a dézingué les deux gamins les plus antipathiques qu'on puisse trouver dans cette série. Et c'était ça par contre tu vois c'était jouissif là tu peux le dire. J'ai une question. Ouais. Alors pour la Batcave. Ça, c'est pas la Batcave du tout, c'était un bureau, voilà. Enfin, oui, c'est ça, c'est juste un bureau, il a reçu une lettre de son père qui est là-dedans et qui lui dit sois fort, mon fils, quoi. Non, il n'y a pas de Batcave du tout. C'est juste... tout ce mystère à la fin de la saison 1 pour un bureau. Non, c'est juste un bureau caché, voilà. Passionnant. De toute façon, tout ce qui se passe autour de Bureau, c'est raté, il n'y a rien à garder de ces intrigues, donc voilà. Oui. Enfin, ça part dans tous les sens, et surtout, c'est complètement dominé par le reste. Est beaucoup plus intéressant, et je passais pas à dire ça un jour. De quoi ? Ce qui se passe autour de Gordon et autour des vilains est beaucoup plus intéressant. Ah oui, et c'est ça le premier intérêt. Ça me fait presque mal de le dire, mais voilà, il y a de bonnes choses qui ont été mises en place. Ça reste globalement pas bon, et globalement une trahison par rapport au support original, mais... Ça, de bonnes choses ont été mises en place et du coup, je subis moins la série, c'est clair. On ne sera jamais d'accord sur le fait que pour moi, c'est une espèce de réinvention et de redécouverte de la mythologie. Non, mais c'en est une clairement, mais après, c'est juste moi qui n'arrive pas à l'accepter, c'est tout. Ah oui, voilà. Il y a quand même des éléments d'origine, quand même. Parce que toute œuvre doit quand même s'appuyer sur quelque chose. En fait, il y a un truc, c'est que si on n'avait pas Bruce Wayne dans cette série, si on n'avait pas toute la partie Bruce Wayne, la série serait acceptable, vraiment. Par rapport à une adaptation de Batman, de Gotham, etc., la série serait hyper acceptable si tout ce qui est autour de Bruce Wayne n'existait pas. Oui, mais le problème, c'est que Bruce Wayne fait partie intégrante de Gotham et que tu peux pas complètement l'éluder, quoi. Bah dans Gotham Central, qui était quand même plus ou moins en rumeur à l'époque où on parlait de la série, le support sur lequel on allait adapter le truc, Bruce Wayne et Batman, on les voit quasiment pas, c'est une ombre, et voilà, et c'est tout, et point, on ne fait mention, et c'est tout. Ouais, c'est un truc qui se passe avant sa naissance. Ouais, oui, mais le point sur Gordon, ils sont pas obligés d'être liés à ce point-là. Voilà, cette série centrée sur Gordon et sur l'ascension des vilains, etc., comme on la présente dans la saison 2, sans le côté Bruce Wayne, justement, dans une mesure, dans une certaine chronologie, entre guillemets, Bruce Wayne doit forcément faire partie du truc. Après, je pense que de toute façon, comme on l'a vu d'ailleurs, vu que l'intrigue étant, enfin, le but de Galavan étant de prendre le contrôle par rapport au Wayne, Bruce Wayne va normalement acquérir une certaine importance dans la série. En tout cas, ce serait une suite logique par rapport ouais, à ce que ouais, bah, ouais. Mais le problème, c'est que Bruce Wayne, c'est David Mazouz. Voilà. c'est le souci. Ah, moi, le problème avec cette série, c'est que c'était un fourre-tout. Il était tout. Bah, ça le devient moins maintenant. C'est, ah, ils ont là, commencé un peu à mettre de l'ordre dans les idées, dans les jouets, et du coup, c'est un peu plus cohérent. Ça avance plus de manière synchronisée, etc. Donc voilà, il y a quand même un travail sur l'écriture qui a été fait. Il faut le reconnaître. C'est étonnant, oui, comme tu le dis, c'est vraiment ils ont vraiment gardé une. Ils ont gardé un peu leur identité tout en appuyant un peu plus sur un truc plus concentré et pas et qui soit pas enfin qui part pas de trop dans tous les sens quoi parce que non en effet tu pouvais skipper 3 épisodes et au final par rapport à une progression fil rouge tu n'aurais rien loupé donc là c'est vraiment bien c'est mieux c'est vraiment bien. Ah bah après il y a la jurisprudence pour moi il y a la jurisprudence des Jetterfield. On verra. Si vraiment c'est bien. Jetterfield c'était mieux à la fin de la saison 1. Oui, on n'arrivera jamais à mon avis. Mais moi j'étais pas arrivé. Hein. Moi je m'étais arrêté au 8e de la première saison. Ah mais moi aussi. Allez, on va vous commencer à parler d'Agents of Shield. On va faire la transition. Juste je conclurai cette partie Gotham en disant que clairement Halls are coming. Non, ouais. Comment ? Ça Halls are coming. Oh non. Ah bah clairement, enfin voilà. Ah ouais. C'était en rumeur de toute façon avant la sortie. Il y a tellement de références qui sont faites au passé de Gotham, au passé des familles influentes de Gotham, etc. Forcément, les Halls vont débarquer. Voilà. Alors là, tu vois, j'ai. Et tu me dirais que Galavan est à la tête de la Court of Halls, ça ne me surprendrait pas. Oui, alors là, tu vois. Ça, peut-être que ça pourrait m'inciter à aller voir cette saison 2 si jamais il y a. Enfin, donc, le problème de Gotham, c'est qu'il risque de démonter l'arc de base. On verra. À suivre en tout cas. Maintenant, on va laisser Gotham se dérouler. On va pas reparler de Gotham sur le mois de novembre. On va revenir sur la série logiquement, normalement, au mois de décembre pour faire un bilan sur la mi-saison. Voilà. Et Agents of S.H.I.E.L.D. maintenant, pareil, on a eu quelques épisodes de plus qui ont passé. Allez, Arnaud, est-ce que tu veux bien nous raconter rapidement quelques gros éléments d'intrigue qui sont développés dans les épisodes depuis la dernière fois, et puis après on en discute. C'était un état qui fait l'épisode, juste le premier. On avait vu que le premier. Ouais. Non, pas le pilote. Le pilote, c'est le premier de la série. Ah oui, pardon, excuse-moi. On avait vu que le season premier, et peut-être le deuxième quand même, mais je suis pas sûr. Non, je crois que le premier. Celui où à la fin, Simmons, on la voit là sur sa planète et tout. Ah bah, c'est le deuxième. Non, c'est le premier. C'est le premier. Bon, voilà, on avait vu que le season premier, donc on reprend. Et ben justement, on continue sur la recherche de Simmons, ce qui y arrive, puisque Fitz s'est persuadé qu'elle est toujours en vie, qu'il y a un moyen de la ramener, et les autres tendent plutôt à penser que tout espoir est fiché, enfin, qu'il n'y a plus qu'un espoir. Hein. Et donc, Fitz finalement réussit à ramener Simmons, hein, qui nous doit quelques épisodes plus tard un sublime épisode uniquement centré sur Simmons. On en parlera plus en détail, mais c'était l'un des meilleurs épisodes de la série pour moi. Parallèle à ça, on continue cette histoire autour des inhumains et de ce qu'on a vu à la fin de la saison 2 des morceaux des cristaux tératogènes qui s'étaient brisés et répandus dans l'océan, contaminant des poissons, etc. Donc il y a de plus en plus d'inhumains qui débarquent. Hein. Et face à ça, il y a le Shield qui veut la récupérer et le ACTU, qui est une agence gouvernementale qui veut aussi s'approprier les humains. Le Shield et le ACTU font association. Je crois que c'est ATCU. Ouais. Et donc les deux groupes forment une alliance. Alors une alliance, bien sûr, dans cette série, dans les séries d'espionnage en général, ça veut dire qu'on garde quand même des secrets. Mm-hmm. Et on va finir par en apprendre quelques-uns par rapport au ATCU. Et puis il y a ce nouvel inhumain, ce nouvel ennemi aussi, qui est lâche. Le grand méchant inhumain qui comme dit Daisy, fait des trous dans la poitrine d'autres inhumains. Et donc, on apprend la, la véritable identité dans le dernier épisode qu'on a vu, donc on en parlera peut-être, plus. C'est peut-être la seule chose qu'on spoilera pas cette semaine. D'accord. Voilà. On en parlera peut-être juste pour dire ce qu'on en a pensé, mais... Oui, voilà, sans donner le nom, on dira qui on a, ce qu'on en a pensé, mais c'est... Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Les... Après, il y a aussi l'intrigue autour de Ward. Il y a Hunter et May qui partent à la chasse contre Ward, qui est maintenant à la tête de... La tête de ce qui reste d'Hydra. Ouais, de ce qui reste d'Hydra. Et je pense que c'est l'intrigue la plus faible de cette nouvelle saison. Pourtant, il me semble que c'est l'intrigue principale. Enfin, je sais pas. Oh non, c'est vraiment très secondaire. Ah oui, c'est secondaire, c'est les humains qui prennent la place. Voilà, c'est peut-être ça mon point sombre, le petit point sombre que j'ai de ces premiers épisodes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros fil rouge, je trouve. Pardon, il n'y a pas de fil rouge ? Il n'y a pas vraiment. L'âche, les humains, les CTU, les CCU. Oui. Les Unima, quoi. C'est le fil rouge depuis une saison et demie. Je sais pas. Je trouve pas qu'ils appuient pas. Pour l'instant, on n'appuie pas vraiment sur quelque chose. On passe de Simmons ou à Ward ou aux Unima ou à Lash. Tu vois, sans vraiment appuyer sur un élément. Bah si, on passait énormément de temps sur les Inhumains. Il y a vraiment deux gros blocs pour moi, il n'y a pas un fil rouge, il y a deux fils rouges, c'est effectivement Simmons et savoir où elle était et quelles vont être les répercussions de tout ça. Et il y a aussi évidemment les Inhumains. Là pour moi il y a deux gros... Et les deux sont plus ou moins liés puisque ça, le monolithe appartenait aux Inhumains. Oui, mais après, est-ce que le lieu où se trouvait, où elle peut-être se trouvait... Peut-être pas, peut-être qu'elle était chez les Cris. C'est pour ça que moi, je le mets comme deux fils rouges différents parce que ça c'est assez séparé pour le moment. On en pense quoi de tout ça? Est-ce qu'on est toujours aussi satisfait ou est-ce qu'on émet quelques bémols? Clément, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu, du coup, donc vas-y, toi l'honneur. Bah écoute, moi je suis plutôt très très satisfait de début de saison. Je retrouve tout ce que j'ai aimé dans la saison 1 de Agents of S.H.I.E.L.D. Donc il y a un bon fil rouge. Clairement, les défauts qu'on avait dans cette série au tout début de la série ont totalement disparu. C'est beaucoup plus intéressant à suivre. Il y a un fil rouge maintenant qui est constant. Et finalement, il y a très peu, voire aucun stand-alone. C'est très bien foutu, c'est plutôt bien écrit. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a clairement deux fils rouges. Les deux fils rouges sont intéressants, ils arrivent bien à doser entre ces deux fils rouges. Les personnages évoluent, notamment à Pete, Simon et du coup maintenant Daisy Johnson. Donc voilà, on voit que Daisy Johnson obtient vraiment un rôle de leader et ça colle, là pour le coup ça colle très bien au personnage, ça colle très bien à la série, c'est du bon boulot. Et puis voilà, il y a toute l'intrigue autour de Simon qui laisse vraiment qui nous interroge mais qui montre aussi qu'il y a vraiment d'intéressant dans le personnage de Simon et de par extension de Pete et les deux derniers épisode là de ces dernières semaines vont plutôt dans ce sens avec quand même une surprise avec l'identité de Lash. Je m'y attendais absolument pas, j'ai pas du tout souvenir, donc c'est très surprenant. Je suis plutôt curieux de voir comment ils vont expliquer ça, mais vraiment non, c'est je trouve que ça continue, c'est sur la même lancée de la saison 2. Il y a tout le point sur l'ATCU qui est plutôt intéressant, qui montre une sorte de rapport de force entre ce qu'on pourrait avoir par exemple entre le FBI et la CIA, mais aussi qui installe petit à petit de manière implicite le film Civil War. Donc c'est plutôt très intéressant quoi pour la suite, c'est vraiment hyper prometteur. Ok. Bon. On va peut-être découper en deux, du coup, comme on a déterminé deux films. On va peut-être se mettre d'abord d'accord sur le fait que tout ce qui se passe autour de Ward, c'est... Je suis à mourir. Oui, c'est pas le plus intéressant, on va dire. C'est clair. ça reste pas moins tout de même, je veux dire, les parties avec Warp. Bon, disons plutôt les parties où il parle avec avec son chauve là, parce que des fois c'est pas très intéressant. Non, toute l'intrigue sur Ward et Charles. Ouais, c'est, voilà, pour le moment j'arrive pas trop à voir. Et puis elle est trop déconnectée en fait du reste. Voilà, j'attends de voir pourquoi on nous met ça là et qu'est-ce que ça a comme rapport avec le reste, qu'est-ce que ça va avoir comme rapport avec le reste. Et puis je l'ai déjà dit, hein, mais j'en ai un peu marre d'Hydra maintenant, donc. Hydra était détruit. Et c'est con parce que quelque part quand même Ward, on lui a donné un espèce de nouveau statut, un truc qui peut vraiment le rendre intéressant, et là il fait juste de la figuration de méchant et c'est clairement pas poussé. Enfin, Hunter qui essaye d'infiltrer le truc et tout, il se passe un truc, enfin voilà, mais tu sais que Hunter va s'en tirer, enfin qu'il va pas se passer un truc de fou, enfin ça manque de liant en fait. Je suis pas sûr que ça, quand tu dis on sait qu'il va s'en tirer, je sais pas. Ben parce que moi par exemple sur le dernier épisode, au début de l'épisode j'ai été un peu déçu, je me suis dit ah c'est dommage, ils ont pas eu le courage d'aller à fond là-dedans, mais à la fin c'est sûr qu'il est pas mort, on voit pas son cadavre à la fin de l'épisode précédent. Si tu vois pas un cadavre, tu vois du sang et des jambes. Oui, tu vois du sang et des jambes, mais justement c'est pour ça que je me disais c'est dommage, tu peux t'assommer. C'est pour ça que je disais, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller au bout. Ouais, j'ai pensé comme toi, ouais, je suis d'accord. Ouais. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Ward, qu'on s'est débarrassé d'Hydra, tout ça, on va parler de l'intrigue autour d'ETCU, des Inhumains et de Daisy et de sa quête pour récupérer les Inhumains, les pauvres Inhumains perdus. Coucou, et puis après on reviendra sur Simmons. Alors, les TCU, bon ajout à la mythologie et à la série ou gadget? Non, c'est une bonne idée. Non, c'est plutôt une bonne idée. Bah, ça amorce, je pense que ça amorce vraiment tout Civil War, quoi. Oui. Et c'est une autre façon de voir les Inhumains. C'est, ils ont pas montré surtout non plus comme c'est gouvernemental. Ils ont quand même besoin de. C'est vrai, ils sont totalement dépassés par ce qui se passe. Des gens avec des pouvoirs, ok, ils en ont vu quelques-uns depuis Avengers et compagnie, mais là, il y en a un très grand nombre et ils ne savent pas ce qui le déclenche au final. Donc, ils sont assez effrayés de voir ça. Et on peut quand même être un peu. S'inquiéter un petit peu de la manière dont il les traite. Hein. Mais je trouve que c'est quand même une bonne façon de voir. De voir les deux choses, de voir comment s'occuper d'une menace, enfin d'un élément, et de manière de penser. Et puis quand même, celle qui est à la tête de l'ETCU, Rosalind, est quand même actrice, est formidable. Ouais, c'est Constance Zimmer. Ouais, oui, c'est vrai. Je trouve... Vas-y Léo, mais par contre, toi, c'est une fois que tu frottes ton micro, je sais pas quoi, il y a plein de bruit qui veut. Je trouve que le point le plus positif en plus, dans l'intrigue de l'ATCU, c'est la relation donc en effet que Coulson a avec Rosalind Pryce, notamment aussi du point de vue de Coulson, dans la mesure où j'avais peur qu'il soit un petit peu à part, c'est ce que le pilote me laissait avoir. C'était pas un pilote. Peur. Season première. Oui, voilà, season première, pardon. J'avais peur qu'il soit mis un peu sur la touche, et en fait, il a vraiment sa propre intrigue, son propre truc, cette espèce de jeu de dupe qui n'en est pas vraiment un, mais qui, si, en fait, en est un, surtout avec ce qu'ils se disent là dans le dernier épisode en date. Où tu te dis qu'il joue, enfin il y a un. C'est un peu les liaisons dangereuses. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un espèce de jeu de poker qui s'installe en amont de la série et surplombant la série, qui fait que chaque coup peut être décisif, chaque coup peut faire basculer cette espèce de d'équilibre de la terreur comme ça, enfin d'un côté comme de l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment un très bon point de la série parce qu'ils savent très bien le faire. Et puis en effet, les acteurs sont formidables, ils savent très bien montrer ces trucs-là. Genre Coulson, tu sens qu'il cache toujours quelque chose derrière son petit sourire, derrière son petit truc. Bon, Constance Zimmer, elle joue bien sur les émotions, elle est vraiment. Elle est efficace quoi dans son traitement de bon elle a une carrure, une physionomie qui la rend un peu bad guy entre guillemets, mais bon, pas tant que ça. Donc, bon, et puis Coulson lui-même n'est pas tout blanc. Donc, il y a vraiment un vrai avantage, un vrai plus que s'est donné la série dans la relation entre ces deux personnages, dans la manière qu'ils ont d'interagir, quoi. Et ça rend le truc sur les humains. Après, ça rejaillit sur Daisy, sur Mac, un peu sur Hunter, là, donc, si on prend le dernier épisode. Et ça rend ce fil rouge vraiment, vraiment excitant, très. Et bon, vraiment intéressant à suivre. Moi, j'ai deux choses au sujet de Coulson vis-à-vis de Rosaline et tout ça. Gonzalez avait quand même raison. Parce qu'on se retrouve avec un nouveau Nick Fury qui a tous ses secrets, qui fait ses magouilles de son côté, qui s'allie un peu avec n'importe qui, et puis peut-être après pour changer, pour retourner sa veste, etc. On a vraiment, j'ai l'impression, quand je vois Coulson, je vois de plus en plus un Nick Fury bis, avec tous ses secrets, toutes ses magouilles. Ça, voilà. Et ça a toujours été comme ça, au final. Là, c'est quand même beaucoup plus marquant, et du coup, je repense souvent à Gonzalez en ce moment qui avait quand même raison. Et puis l'autre chose, c'est vis-à-vis de Daisy, ça c'est super intéressant ce qui se passe avec l'ETCU, ouais. Et Coulson, c'est vis-à-vis de Daisy, parce que du coup son équipe de Secret Warriors qu'elle va former, j'ai de plus en plus l'impression qu'elle va la former contre le Shield. Ouais. Je pense, ouais. Il va avoir une scission à un moment, enfin on se dirige vers une scission. C'est ce que je disais, hein. C'est clairement là le... Et c'est quand même dingue, parce que finalement, quand on pense au personnage de Guy Johnson, la saison 1, ça a quand même eu le personnage a eu une évolution remarquable. Et c'est vrai que ce personnage-là a vraiment un rôle de, bah, maintenant, est en train d'avoir le rôle de mentor que Coulson a eu pour elle, et elle agit en tant que leader, et c'est évident qu'on va avoir les Secret Warriors, et je serais pas surpris que les Secret Warriors se manifestent, soit avant ou après le film Civil War. Mais d'ailleurs, dans tête, ça. Que ça va clasher. Non, mais vas-y. Dans sa nature même, Daisy Johnson a quelque chose de un peu de d'une sécession, quoi. Enfin, déjà dans les au début de la série, elle n'était pas franchement Shield, quoi. C'est-à-dire que c'était un espèce d'électron libre qui avait ses relations en dehors du Shield, tout ça. Et il a fallu du temps pour qu'elle s'installe et qu'elle devienne elle-même un agent du Shield. Mais pour autant, là même là, avec Lincoln notamment, il y a conflit d'intérêts, quoi. Il y a un truc de sécession dans le personnage de Daisy qui la rend forcément. C'est ça. Elle va mener l'alliance rebelle. Bah, c'est un peu compliqué aussi parce qu'elle avait presque une relation paternelle avec. C'est totalement ça. Oui. C'est pour ça que ça lui fait encore plus mal de voir Coulson s'allier avec ETC. Surtout après ce qu'on découvre sur les caméras de surveillance, la rencontre avec Rosaline dans l'entrepôt, là. C'est un peu trompeur aussi, justement. Lui, il est pas. Elle a l'impression que lui, il est d'accord avec tout ça, mais quand tu entends Coulson parler, lui, il est tout aussi choqué que elle. C'est juste que dans son attitude, il montre pas. Il montre pas tout de suite. Mais elle n'a pas tout vu. Ouais, elle a pas tout vu. Mais c'est peut-être aussi là que je suis pas très d'accord avec toi, Mathieu, quand tu dis Coulson, il garde le côté secret du Shield. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il leur dit de faire juste sans leur donner vraiment toutes les explications. Je pense qu'il a un plan, mais lui-même, il est dans le flou parce qu'il sait pas non plus ce que SCTU a dans sa manche. Ouais, mais je pense qu'il l'aurait. Il ne parle avec personne de ce qu'il fait et de ce qu'il veut faire. Mais surtout, en plus, je pense que là, il a vu où les humains étaient entreposés. Et je pense pas qu'il. Là, Daisy le sait parce qu'elle l'a vu. Mais je pense pas qu'il lui aurait dit parce qu'il sait très bien comment elle réagirait face à ça. Ouais, au final, au début, lui-même, c'est un jeu au début. Mais quand Rosalind lui explique pourquoi elle fait tout ça, pourquoi ils entreposent les humains de cette manière-là, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus. Il comprend de plus en plus son point de vue et peut-être commence à l'accepter. Bah, il faut dire un peu aveuglé aussi par cette espèce de. C'est ce que j'allais dire. Il faut aussi oublier qu'il y a un petit jeu de séduction qui commence à se mettre en place et que lui, il a un peu plus qu'un agent de l'ECTU. Et d'ailleurs, elle aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est sérieux, si elle se... Moi, je pense qu'elle se fout bien de sa gueule. Mais voilà. Ça exclut que Coulson se foute de sa gueule aussi. Ça serait une bonne surprise, à vrai cœur. Mais... Ouais. Bon. Voilà pour cette première intrigue ETCU, Inhumans et compagnie. On va s'intéresser maintenant à l'autre gros morceau de ce début de saison 3. C'est Simmons. Où est, bordel, où est-ce qu'elle était, cette Simmons? On en a appris beaucoup plus dans l'épisode qui lui était consacré, qui est à mon sens jusque-là le meilleur épisode de la saison. Oui, On peut dire ça. Un épisode où enfin on lui a laissé exprimer tout son potentiel. Ouais. Elle a quand même montré un courage assez incroyable. Et l'actrice elle a pu montrer l'étendue un peu de son jeu, et voilà, elle était un peu plus mise en avant que uniquement dans l'ombre de Fitz, comme c'était de plus en plus le cas, ou par rapport à Bobby. Enfin voilà, il y avait toujours par rapport à quelqu'un. Elle était seule et c'était cool. Il y a un vrai talent de cette série dans le développement des personnages et dans la manière de leur installer un espèce d'espace vital qui rencontre celui des autres. Il y a un truc de cette série qui est génial, c'est vraiment sur les personnages, et Simmons ne fait pas exception. On va en parler bien sûr, l'épisode qui est centré sur elle, c'est tout le caractère de Simmons face à tout ce qui est l'opposé du caractère de Simmons, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré, c'est-à-dire se retrouver pendant plus de 4000 heures sur une planète complètement inconnue en croyant que Fitz va venir la chercher, et qu'au final, c'est absolument pas ça, que c'est la réalité des choses, la réalité du terrain pour elle qui est toujours restée dans son labo et tout, et qui là se retrouve à se débrouiller toute seule, et voilà, enfin. La série réussit à mettre le personnage dans cette situation, dans ces difficultés, tout ça pour les forcer à tirer absolument tout ce qu'ils ont en eux, et ça c'est extraordinaire. On a dit aussi la dernière fois le système des heures en dessous de l'image qui me permet vraiment de ressentir ressentir sa détresse avant elle, en quelque sorte. Puisque quand on voit 10 heures, on sait déjà combien de temps il va rester. Plus de 4000, ouais, c'est vrai que. Avant elle. Et puis Fitz qui fait cette espèce de sacrifice en disant on va aller le chercher, ton mec. Mais juste un petit truc, c'est juste pour chercher la petite bête, mais j'ai été un peu déçu de voir que la raison pour laquelle elle a été si dépressive à son retour, je m'étais imaginé plein de choses, et quand j'ai vu que c'était de l'amour, j'étais un petit chouïa déçu. Oui, moi aussi. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment de l'amour, c'est que c'est en fait au moment où elle a un peu perdu espoir et baissé les bras vis-à-vis de Fitz, parce qu'effectivement les mois passaient et que elle se rendait bien compte que il viendrait pas, oui. Passait toujours rien et que peut-être il viendrait jamais. C'est au moment où elle a baissé les bras qu'elle a retrouvé l'espoir en Will. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'amour, c'est plutôt lui qui représentait l'espoir à ce moment-là, et elle a perdu ça en revenant, mais du coup. Oui, c'est un peu de la panique affective, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un peu plus. Il y a quand même. D'ailleurs, c'est même ça, c'est ça aussi. La série joue dessus aussi, le sens. Ah oui, je suis pas sûr que contre Fitz il fasse le poids, oui, dans le cœur. Ah oui, je pense que c'est un espèce de d'obstacle entre guillemets. C'est recul, sauter, exactement. Voilà, sur le fait qu'il se tourne autour depuis déjà de ses 3 ans. Oui. D'ailleurs, t'as vu le petit dialogue qu'il a avec Hunter à propos de ça. Ah oui, c'est lui qui s'emmerde. C'était quand même drôle, c'est lui qui s'emmerde et il va supplier pour pouvoir parler aux gens. S'il te plaît, est-ce que je peux conduire? Est-ce que je peux donner un conseil? C'était drôle. Mais c'est juste pour chercher vraiment la petite baisse. Mais j'avais un petit écho là. C'est bon. Voilà, donc moi je m'attendais un peu plus que ça. Je m'étais imaginé, je sais même pas. Alors moi j'ai même imaginé un enfant. Je sais pas. C'est un peu court en 4000 heures. Mais... Ouais, voilà. Et du coup, on a toutes les hypothèses de permise pour savoir où est-ce qu'elle était. Moi, clairement, cette planète un peu dotée, un peu Ego. Mystique. Ouais, moi, je pensais aussi à Ego, évidemment, la planète vivante. Mais est-ce que c'est bien Ego? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, ça reste quoi, encore. C'est une planète. Ego, c'est une planète dans l'univers Marvel. Tu sais, on a Mogo dans les Green Lantern, et puis on a Ego dans l'univers. D'accord, Marvel. Je savais pas du tout. C'est une planète dotée de conscience et d'une volonté, voilà, qui est plutôt menaçante effectivement, comme elle est représentée là. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être d'autres choses. Et du coup, il y a encore quand même un peu de mystère autour de l'endroit où était vraiment Simmons. Et d'ailleurs aussi, on parle aussi un petit élément que j'ai trouvé ça génial, justement, en regardant lorsqu'elle va au restaurant après son retour avec Fitz, et il lui sert un verre de vin, et elle fond en larmes pendant. Et quand tu regardes cet épisode-là, quand tu vois les petits jeux qu'elle faisait avec Will, les jeux d'illusion, on va dire que c'est du vin. Moi j'ai adoré ça, j'ai beaucoup aimé ces petits clins d'œil là. Effectivement, ce petit détail était important, était assez bien conduit. Oui. Et ça montre bien les qualités d'écriture. Ouais, c'est bien, c'est très bien ficelé au final. Voilà, bon bah, on est content quoi. Ah, ah ouais. Oui. Bah pour moi c'est la série, c'est la série. D'ailleurs j'ai pour habitude de regarder les séries de mercredi à cause des Agents of S.H.I.E.L.D. Et de Flash s'il te plaît. Et de Flash aussi. Bordel. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant de conclure pour cette émission qui arrive C'est à moins bien que Gotham. Non. Mais on n'a pas parlé de Bobby non plus. Qui crève toujours autant. Bon, moi, j'adore toujours l'avoir. Hein. Je trouve qu'il y a un Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'attends qu'elle soit vraiment développée et un peu mieux mise en avant. Bah, là, elle commence avec May, justement. Le retour de May. Elle a une séquence, effectivement, dans les derniers épisodes, notamment la scène où elle se combat, où elle le combat vers la piscine, etc. Ok. Ouais. Voilà, dans cet épisode-là, effectivement, elle est hyper badass et hyper plaisante à suivre. Mais dans le reste de la saison, jusque-là, je ne l'ai pas trouvé particulièrement. Et moi, j'ai bien aimé aussi, parce qu'elle a un côté un peu blessé par ce qui s'est passé dans la saison avant. Elle est encore, bah, bien sûr, oui. Elle est encore convalescente. Et moi, je trouve que ça fait un peu... C'est bien aussi de voir que, tu vois, qu'elle peut être humaine. Bon, c'est pas non plus mais, hein, mais ouais, disons qu'elle a un petit côté sensible aussi. La révélation de l'identité de l'âge, on est d'accord, c'est une surprise. Bah, ça, celui qui est pas surpris, celui moi, qui a pensé. On aurait pu s'en douter depuis l'épisode, enfin avec l'épisode d'avant. Là, on avait clairement de. Théorie, mais le moment où ça a été révélé, j'ai. Quand même j'ai ouvert la bouche, j'ai hurlé, j'ai voilà. Poussé un cri. Voilà. Donc du coup. Mâchoire qui s'est accrochée. Du coup, effectivement, c'est assez surprenant et ça va apporter de rebondissements intéressants vis-à-vis d'autres personnages de l'équipe. On va pas dire qui parce que ça serait trop évident. Enfin, ça serait trop spoilant. Donc du coup, voilà. Surprenant, et moi j'ai hâte maintenant de voir les conséquences que cette révélation va avoir, et ça va redistribuer beaucoup de cartes vis-à-vis de certains personnages dans l'équipe, même vis-à-vis de Sky et compagnie, enfin de Daisy plutôt. Ouais. Ouais. Ça va être une petite déception par rapport à ça, c'est que juste après ils t'en font du coup, ils en font un peu trop. Je veux dire, la scène post-générique, c'est un peu trop. On a compris, ok, d'accord, mais pourquoi appuyer autant hein. C'est pour. Je pense que cette scène-là, effectivement, post-générique, post. Voilà. Elle peut avoir le. Effectivement, on peut avoir l'impression que c'est pour un. Ça insiste un peu lourdement, etc. Mais ça nous montre un pan des conséquences qu'on n'imagine pas tout de suite quand on découvre l'identité. Ça n'aura pas des conséquences que sur un personnage qui semble évident, ça en aura aussi sur d'autres, dont celle qui se trouve face à l'âge à ce moment-là. Mais du coup, la complexité la dichotomie du mec, il y a un. T'as l'impression qu'en fait, qu'il n'y a pas vraiment de bon au final en lui. Qu'il est juste. Ouais, on verra. On va arrêter avant de spoiler trop. On verra. Ouais. Non, mais ça va encore redéfinir des personnages du plus bas de la hiérarchie au plus haut de la hiérarchie. Hein, là, on a un game changing. Ouais. Et puis surtout, enfin, c'est en relation aussi avec tout le problème qui est global par rapport à cette saison, hein, et surtout les conséquences par rapport à l'équipe, quoi, la confrontation entre le petit monde, le grand monde, tout ça. Enfin, il y a encore un truc qui va faire exploser cette série encore plus loin dans ses limites, ça va être fascinant. Voilà, et ben on va s'arrêter là, je vous propose, pour cette semaine. Alors, le programme pour la semaine à venir sur Comic Stories. Ce week-end, Comic Stories vous présente The Infinite Loop. Mardi, vous avez rendez-vous avec le mag numéro 30. Et puis, alors, la semaine prochaine, sur nos écrans numéro 30, il me semble qu'on se fait Arrow et Flash. Oui. C'est ça. Hein. Voilà, donc on reviendra sur le temps même par lequel tout a commencé sur CW. On reviendra donc sur les épisodes de Arrow et Flash après le season 1. D'ici là, évidemment, bonne série. Ah, on va peut-être se quitter sur une breaking news qu'on n'a pas pu enregistrer dans le mag parce qu'elle est tombée pendant l'enregistrement de cette émission, donc on est dimanche 8 novembre. Il se pourrait que AMC ait signé une série télévisée Empire of the Dead. Oh, dérivé donc de l'univers de Romero et des comics Marvel, c'est l'artiste Arthur Suydam, je sais pas comment on le dit, c'est celui qui a été artiste sur la série Empire of the Dead, notamment sur les couvertures, qui lors d'une convention la Wizard World de Louisville a dit que voilà, il avait bossé sur la série qui a été entre guillemets hein, qui a été signée par AMC et qui sera la prochaine grosse série de zombies sur la chaîne. Voilà, on en parlera un peu plus dans le mag mardi prochain. On va suivre un petit peu le développement de tout ça, mais voilà, AMC aime les zombies visiblement. Apparemment, il n'y aura plus que ça sur le programme de la chaîne. Avec Fear the Walking Dead, The Walking Dead. Bah, ça peut permettre d'avoir une série de zombies toute l'année et d'alterner les deux. Donc voilà, oui, on en parlera de toute façon dans le mag mardi. Bonne série et à bientôt. Et regardez que Salut. Salut. Salut.